Voilà, donc c'était New Music, groupe anglais éphémère qui a produit sous la houlette de Tony Mansfield trois magnifiques albums en 80, 81 et 82, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le deuxième, Anywhere, n'importe où, 81. Et c'est un mélange intéressant de New Wave et de progressif, comme quoi les genres ne sont pas si antinomiques. Bon, pour preuve, certains magnifiques albums d'Ultravox, par exemple, ou de U2, pour ne citer que ces deux groupes. Mais là, bon, là, c'est carrément un album de comptine, à la façon Genesis, mais avec des instruments un peu plus contemporains, boîte à rythme, clavier, etc., etc. Voilà, donc je crois que c'était intéressant pour voir les différents mariages que Progressive est amené à faire, puisqu'on a déjà vu plusieurs fois auparavant le hard et le progressif, le planant et le progressif. Éventuellement aussi, on a dû voir très rapidement le jazz et le jazz rock et le progressif, encore que ça a amené un petit peu une impasse à mon avis. Et donc aussi le psychédélique et le progressif. Le psychédélique, bon, essentiellement... certains Pink Floyd, mais on reviendra plus longuement lors de la prochaine émission. Maintenant, on va, puisqu'on parle de psychédélique, on va remonter dans le temps, on va remonter très très loin aux origines du progressif, c'est-à-dire en 1970, avec un groupe qui est pas franchement progressif, qui est pas franchement pop, mais qui est quand même très intéressant, c'est Rare Bird, l'oiseau rare. Rare Bird a sorti plusieurs albums qui ont tourné vite du hard un peu mou. Mais les deux premiers albums étaient toute beauté, avec la présence de Graham Field, un organiste de talent qui a sorti après un album plus ou moins solo qui s'appelait Fields. Donc Rare Bird, tant que Graham Field était dedans, a fait des choses néo-progressives de toute beauté. Alors je précise, ce n'est pas un groupe essentiel, mais c'est un groupe intéressant parce qu'il est très caractéristique de cette première époque du progressif des années 70, c'est-à-dire avant Genesis, du temps de l'explosion de Floyd, avec des groupes qui basaient leur musique sur les claviers, l'orgue essentiellement. Il faut rappeler qu'à l'époque, ou à cette époque-là, bon, tout ce qui était synthétiseur, ça n'existait pas encore, donc c'était clavier-orgue, c'était mellotron, point final. Et là, on va avoir un exemple bien caractéristique de tous ces groupes, comme Cressida, comme Gracious, comme Frup, et comme donc Rare Bird. Voilà, ça date de 70. Petit détail pour terminer, Rare Bird pour les vieux de la vieille, ils vont me dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça me rappelle des choses. Et oui, Sympathy, en 1970, grand tube. Et oui, c'était eux aussi. Et voici donc Beautiful Scarlet, extrait de leur premier album. We'll be right back. was really gonna hurt you. The birds are all singing, but no one's gonna sing for you. Smiling faces all around. Beautiful scarlet, get your feet on the ground. Beautiful scarlet, there's a tear in your eye. Pass you by. I used to be happy just following you around. Beautiful scarlet, get your feet on the ground. The cold, the devil is near. I cannot hear. Ça pas commencé. Mais si, bon après, ça fait une heure que ça tourne. Et on a raté quoi? On a raté Iconoclasta, c'est un groupe mexicain. Edente, c'est un groupe allemand. On a raté un idée de Dange. Et puis quoi encore, la Marie? Et puis on a raté aussi Genesis, Crivabwe. Et alors, et aussi New Music, aussi Rebirth. Oui, oui. Mais reste rattrapé maintenant, je crois. Ah oui, parce qu'il y a plein de bonnes choses, Crivabwe. Préparez des cassettes, les copains. 22h04 sur Radio Brume avec Bande à part, l'émission du rock progressif, avec notre invité mensuel Thierry Sportouche qui ce soir a mangé du lion, il faut bien le dire, puisqu'il est zéro il est complètement déchaîné On va essayer de continuer avec la musique. Vous êtes avec nous, j'espère, jusqu'à 24h, c'est-à-dire minuit en bon français. Et puis tout de suite, une petite surprise, je crois. Deuxième surprise de la soirée, n'est-ce pas, Eric? Oui, c'est ça. Deuxième surprise, puisque c'est une nouveauté. Une cassette qui nous vient droit du pays du soleil, des pâtes et du pinard, puisque c'est un groupe italien qui s'appelle Notturno Concertante. Et ça doit être la cinquième ou sixième cassette. Ils sont productifs, hein, ces voilà, groupes. Voilà, ça doit être la cinquième cassette qu'ils font. On se demande s'ils feront un jour un disque. J'ai l'impression que les disques, ils aiment pas. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont un morceau qui figure sur Exposure, deuxième volume, la nouvelle compilation de Progressive qui vient de sortir. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait exact, monsieur érudit progressif. Tac, les titres au passage. Alors, cette cassette, elle a un titre, c'est Resemblance, puisque c'est censé être de l'anglais, c'est ce qu'ils ont dit. Et on va passer un morceau qui est venu d'ailleurs, puisque je l'ai dit, c'est un groupe italien. Il chante en anglais et le titre est français, Lumière dans la nuit. C'est très simple tout ça. Le parapente, vous envoyez en l'air en toute sécurité, c'est possible à Champs-Rousse. Air Action vous propose des stages de parapente tout niveau, formule journée ou week-end. Avec Air Action, vivez le frisson des grands espaces. Pour plus de renseignements, téléphonez au 76 89 95 95, 76 89 95 95. Voilà, après Nocturno Concertante, on revient en France, cher pays de mon enfance, avec Stephead. Stephead, c'est un groupe franco-anglais qui a sorti un unique album en 82 pressé chez RCA et qui n'a pas eu l'honneur de plaire aux médias. Déjà à l'époque, il y avait un consensus anti-progressif. C'est un disque qui a été très très mal reçu par les médias, à tel point que le disque s'est très mal vendu et tous les invendus ont été détruits par la maison de disques, pour vous dire un petit peu le massacre. Les Japonais, pas si fous, l'ont réédité cette année en compact disque, s'il vous plaît, pressé à 1000 exemplaires. Il paraît qu'ils sont déjà tous partis. Bon, je crois que c'est assez éloquent et, de la situation du rock progressif en France. Déjà, on voit le mutisme, si je ne dis pas même la censure de tous les médias confondus vis-à-vis du progressif, que ce soit pour parler des concerts, entre autres celui de Pendragon à Paris, que ce soit pour parler des activités d'une jeune boîte de disques qui distribue et qui presse et qui réédite ces musées, que ce soit pour parler des différents fanzines, je dirais même magazines, comme Harmony, comme Acid Dragon, comme la Newsletter, qui sont régulièrement édités de façon sérieuse et continue et documentée, que ce soit les groupes qui s'efforcent dans leur coin de sortir leur disques, cassettes, 45 tours albums, que ce soit Ezra, Anoxy, que ce soit Elixir, que ce soit même des grands comme Pulsar, et tout ça dans l'indifférence et la censure générale. Alors, c'est pour ça, à Radio Bru, même si des fois, le soir, on a un petit peu les bras qui se baissent, on se dit, il faut repartir au combat, il faut persister et signer, et essayer de porter cette musique haut, très haut, puisqu'elle est quand même de qualité. Elle a l'avantage de ne pas céder à la facilité, d'éviter les simplicités et simplifications du top 50, d'être aventureuse. Donc, amis auditeurs, de votre côté aussi, si vous pouvez aussi soutenir, faites-vous l'ambassadeur du rock progressif, faites-vous le chantre de cette musique afin qu'elle ne soit pas marginalisée et qu'elle ne devienne pas une musique réservée à un tout petit groupe d'amateurs et meure petit à petit lentement de sa belle mort. Voilà, j'arrête là-dessus, c'était bon. Un petit couplet un peu triste, mais bon, je crois que c'est des choses, Eric sera d'accord, qu'on a sur le cœur souvent. Et ça fait du bien de le dire, et je pense qu'il faut que les fans et les gens qui nous écoutent et qui participent à cette émission et au mouvement, au renouveau du progressif, s'en rendent compte et partent un petit peu à l'assaut. Voilà, de bien belles paroles qu'on aimerait entendre plus souvent. Vous venez d'entendre le sermon de l'abbé Thierry Sportouche, défenseur ardent du rock progressif. Vous êtes toujours sur Radio Brume, 95.5 FM, la radio étudiante de la région lyonnaise, celle qui fait des choses différentes et qui n'hésite pas à le dire. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez participer au délire collectif installé ce soir dans les studios, c'est le 78 89 45 05. Step Ahead, ça date de 82, deux morceaux enchaînés, s'il vous plaît, pour le prix d'un, Eyes et Right or Wrong. vision of what may have saved us. The world is crawling for all its help, but it couldn't tell us, for all he does is sing a song. The counselors came from everywhere to see such an incredible phenomenon. Instead they found we'll be right back. Ahead, un pas en avant. Ça date de 82, c'était français. Ça a été méconnu de la presse et le disque a été envoyé au pilon. C'est quand même dommage, vous pensez pas ? Encore une fois, faut bien le dire. La presse en général, les médias en général, à part dans ma part et Radio Brume sur le 95.5 FM. Et Harmonie. Voilà, le téléphone c'est le 78 89 45 05. Et si vous voulez en savoir plus sur les dires de Thierry, Harmonie, Muséa, tout ça, vous n'hésitez pas à téléphoner. Il y a également, je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le Minitel, 3615 code Brume FM. Et après vous tapez un mot-clé. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce Minitel alors ? Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce Minitel ? On va en parler rapidement. On trouve déjà des choses tout à fait liées à la radio dans son ensemble, c'est-à-dire la grille des programmes, complète, hein, jour par jour, heure par heure, ou émission par émission. Voilà. Pour certaines émissions, il y a une page de présentation. Et en particulier pour Bande à Part, il y a plus d'une page, il y en a une dizaine, faut bien le dire maintenant. On présente l'émission, on présente Muséa, puisqu'on en parle. On présentera incessamment sous peu les différentes parutions, tout ce qui est écrit à propos du rock progressif. Et puis, il faudra que je remette les contacts des fan clubs. Ça peut oui, il y avait un catalogue d'adresses avant, voilà. C'était très intéressant. Il y avait un catalogue d'adresses, il va revenir. Ah, très bientôt. C'est intéressant, on peut écrire à plein de groupes, voir un petit peu suivre leur carrière, les aider, les soutenir. Et les adresses, a priori, sont vérifiées et il y a quelqu'un à l'autre bout. D'accord, oui, c'est important ça, parce que si ça revient, on n'habite pas l'adresse indiquée, c'est très décevant. Voilà, et puis ça fait pas plaisir du tout. Alors, ce qu'il y a d'autre très général, c'est qu'il y a des possibilités de saisie de messages aussi bien à la radio qu'à une émission. Voilà, donc vous pouvez écrire à Bande à Part, hein, c'est possible. Faire des suggestions, même des injures. Voilà, après tout, pourquoi pas. On peut également poser des questions et avoir des réponses, puisqu'il y a également proposé un service de boîte aux lettres télématique. Et vous avez également la sélection du Fuck Top, qui est l'anti-top 50 copyright Radio Brume. Et je pense que je suis passé par-dessus tout. Ah non, il y a aussi quelque chose de très intéressant pour les Lyonnais, c'est la liste des concerts, qu'ils soient petits ou grands, bien au Palais des Sports que à TPE, c'est des petites salles de 200 à... Il y a les concerts de 200 à 10 000 personnes, en gros. Avec également... La date, le lieu, le montant de la place. Voilà, et puis les points de location, avec même un plan pour trouver les différents points de location habituels. Super. Voilà, c'est très très beau. Alors, je vais rentrer chez moi et tout de suite interroger Brume FM. Merci Thierry. On va tout de suite interroger l'érudit rock progressif Bip. Je tape sur la touche entrée et puis je lui pose la question, c'est quoi la suite? What's up alors? What's up Doc? Eh ben maintenant nous partons pour la Hollande, les tulipes entre autres et le Bouddha. La Hollande avec Coda, C-O-D-A, c'est un terme musical, même de musique classique. Bon, vous n'êtes pas sans ignorer bien sûr que le rock progressif a de fortes attaches avec la musique classique. Eh bien, on va pouvoir le vérifier avec Coda. Coda a sorti un album en 86 en liaison avec un magazine qui est correspondant un peu d'Harmonie en Hollande, c'est Siminfo. Siminfo est connu aussi pour avoir produit et aidé Egg Don If. Voilà, c'est bien. D'ailleurs l'indicatif de l'émission. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler, le petit indicatif intro à la basse, c'est Egg Don If. Donc revenons à nos moutons, comme dirait Panurge, avec donc Coda. Coda, donc un album de 86, Sounds of Passion, c'est-à-dire les sons, la musique de la passion. Et le morceau que l'on va entendre, Crazy Fool and Dreamer, c'est-à-dire il est un peu fou et rêveur, mais certainement pas camé, comme certains prétendent à propos des rock progressives maniaques. C'était une petite parenthèse. Donc, le titre Crazy Fool and Dreamer. How can they be so blind? Against the rule, so vain.